إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cheikh, on est arrivé dans le livre au point où il parle du sujet de Ad-Dajjal, Khuruj Ad-Dajjal. Donc on va commencer maintenant, on va lire ce que le cheikh dit. Il dit « Al-Masih Ad-Dajjal wal-Fatim al-Kazzab, Masih al-Dalala, na'udhu billahi min fitnatih, faqad unzirat bihi al-awliya al-anbiya alayhim as-salatu was-salam » أقوامهم أنذره وحذرت منه أممها وبينت أوصافه وحذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر وبين أوصافه ونعت لأمته نعوتا لا تخفى على ذي بصيرة. الشيخ يديك الدجال المسيح الدجال الغرامانتور et le Messie de l'égarement, que Allah nous protège de sa fitna. Tous les prophètes ont averti leur peuple à son sujet, et ils ont tous prévenu contre lui, et ils ont décrit ses caractéristiques et ses attributs. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit de façon encore plus détaillée, et de façon encore plus précise, parce que, yani, c'est sa Oumma qui va, c'est les gens de la fin de sa Oumma qui vont avoir affaire avec sa fitna plus que les autres prophètes qui étaient là avant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ces descriptions de façon claire pour que toute personne soit capable parmi les musulmans de le démasquer ou de savoir qui il est lorsqu'il va sortir. Le cheikh dit « Wa fi al-Tirmidhi annahu yakhruj min Khurasan » Donc, il y a un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui dit qu'il va sortir vers la région de Khurasan. Et Khurasan, c'est dans le, je pense que c'est dans les régions proches de l'Iran, dans le coin de le nord de l'Iran, si je ne me trompe pas, c'est dans ce coin-là. Et le chef, il mentionne un autre hadith qui dit, « Wa fi sahih al-Muslim, an Anas, radiallahu anhu, marfou'an, yattabi'u al-Dajjal, min al-Yahoud, من يهود الصهان 70,000 عليهم الصيالفة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les gens qui vont suivre le Dajjal, il y aura 70,000 juifs de la région de Asfahan. Et Asfahan, c'est une région aussi en Irak. Donc ça, c'est un autre hadith qui explique que ces gens-là vont suivre le Dajjal. Et le cheikh a mentionné ces deux hadiths-là, puis il en mentionne quelques autres, sauf que j'en ai pris d'autres en note de Sahih al-Bukhari et d'autres textes de référence. Pour ça, je les ai pris en note, je vais en mentionner quelques-uns. Dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inni la'anzarkumuhu » وما من نبي إلا أنذره قومه لكني سأقوم لكم فيه أو سأقوم لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. Donc ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari qui dit que je vais vous en avertir et il n'y a pas un prophète qui est venu à son peuple excepté qu'il a averti son peuple contre lui, mais moi je vais vous le décrire d'une façon qu'aucun autre prophète ne l'a fait pour son peuple, et c'est que il est borgne, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un œil, il voit seulement d'un seul œil. Et votre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il n'est pas bon, c'est-à-dire il a deux yeux, donc c'est une façon dont vous allez être capable de le distinguer. Parce que Dajjal va se prétendre être Dieu à un certain moment donné, comme on va voir tout à l'heure, Inch'Allah. Donc un des exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa umma, il a dit: sachez que vous n'allez jamais voir votre Seigneur, walaykum salam wa rahmatullah, que vous n'allez jamais voir votre Seigneur dans cette vie. Donc soyez certain que si quelqu'un vient et prétend être votre Seigneur, c'est pas lui. Et aussi qu'il a un seul œil, Abdel-Djal, il ne voit que d'un seul œil, l'autre son autre œil n'est pas fonctionné, il ne fonctionne pas. Il est aveugle d'un œil, et puis l'œil dont il est aveugle, il est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme un raisin. Aussi, une autre description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, c'est que wa bayna aynayhi maktoub kafir, entre ses deux yeux, c'est écrit kafir. Et dans un autre hadith, il y en a dans certains hadiths, c'est marqué kafara, c'est-à-dire les trois lettres, qui veulent dire qu'il est kafir. Donc les croyants vont pouvoir le voir écrit dans son front, c'est le kafir. Donc ça c'est des descriptions du Dajjal. Aussi un autre hadith, un Abi Umama, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ya ayyuhal nas, innaha lam takun fitna ala wajh al-ard mundu dara Allah Adam أعظم من فتنة الدجال. فهذا حديث كرابورتي بار ابن ماجه وابن خزيمه و الحاكم كيديك selon ابو امامه كيديك le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: oh vous les hommes, il n'y aura jamais une fitna sur la terre depuis que Adam a été créé plus grande que la fitna du Dajjal. Donc la plus grande fitna que l'humanité va connaître, c'est la fitna de Dajjal. Donc ça peut nous donner une idée à quel point cette fitna est grande, parce qu'on a vu toutes sortes de fitnas qui sont présentes dans le monde, mais ça c'est la plus grande, donc on peut imaginer à quel point c'est grave. Aussi donc le chef il continue, il dit: وَسُمِّيَ الْمَسِيحِ لِأَنَّهُ عَيْنُهُ مَمْسُوحَ وقيل لأنه يمسح الأرض ورسول الله أي يقطعها. Donc le cheikh explique pourquoi on l'appelle Al-Masih. Et le cheikh explique c'est parce que parmi les définitions ou parmi les raisons que les savants ont donné pourquoi on l'appelle Masih, c'est parce qu'un de ses deux yeux est enlevé ou quelque chose comme ça, ou qu'il est aveugle d'un œil, donc on l'appelle. Ça vient de ce mot-là, comme Mamsouha. Son œil est Mamsouh, donc Mamsouh, il est Mamsouh. Sinon, il y en a d'autres qui ont dit parce qu'il va, parcourir la terre en peu de temps, donc. Dajjal, c'est le menteur, c'est ça que le chef a expliqué. C'est aussi Dajjal, wa huwa al-khalq. Et il parle de Dajjal, il a khalifa, wa khalata, wa mawaha. ودجال على وجه فعال من أبنية المبالغة أي أكثر منه الكذب والتلبيس. Donc الدجال ça vient de دجال et ça veut dire mélanger les choses. Donc le دجال c'est quelqu'un qui même le mot est sous la forme de فعال en arabe, et ça implique c'est une des formes pour dire que quelque chose est vraiment exagéré dans le mensonge, un extrême, une forme de du mensonge et de la tromperie. Donc ça veut dire que le Dajjal, tout ça, c'est un grand menteur, c'est quelqu'un qui trompe les gens, qui mélange les choses. Et c'est de là que ça vient. Donc le Messie et le Dajjal, c'est ça, comme vous dites, le Messie de la tromperie, du mensonge et de l'égarement. D'accord, mais comme je vous dis, je n'ai pas trouvé une explication des ulama qui donne la même définition que Messie qu'on trouve, hein, comme on comprend dans la langue française. Donc, peut-être si je vérifie encore, parce que j'ai regardé dans plusieurs tafsirs, je n'ai pas trouvé d'explication plus claire. Donc, peut-être je vais continuer à faire des recherches, Inch'Allah, on sait jamais, peut-être que je vais tomber sur une référence autre. Peut-être par contre, Ibn Taymiyyah dans son livre, peut-être dans le livre qu'il a écrit pour répondre aux chrétiens, là, Al-Jawab al-Sahih, l'imam Baddal al-Din al-Masih, la réponse correcte pour celui qui a changé, ou au sujet de celui qui a changé la religion du Messie. Ça, c'est un livre qu'il a écrit en réponse aux chrétiens. Peut-être dans ce livre, il en parle quelque part, je vais faire une recherche là-dedans, Inch'Allah. Donc, le Cheikh, il dit, وَهُوَ يَخْرُجُ فِي زَمَانِ الْمَهْدِ. Donc, le Messie, comme on a dit au dernier cours, on avait parlé du Mahdi. Donc, le Cheikh, il dit que le Dajjal va sortir à l'époque du Mahdi. Et ensuite, il mentionne une citation de l'imam Ibn Kathir. قال الحافظ Ibn Kathir, رحمه الله. ثم يؤذن له أي الدجال في الخروج في آخر الزمان. ويظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة. ثم يدعي النبوة. ثم يدعي الربوبية. فيتبعه على ذلك الجهلة من بني آدم والطغام من الرعاع والعوام ويخالفه ويرد عليه من هداه الله من الصالحين وحزب الله المستقيم ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وكورة كورة ولا يبقى بلد من البلدان إلا وطأه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. Donc الحافظ ابن كثير dit que par la suite il lui sera permis, c'est-à-dire au Dajjal, Allah va lui donner la permission de sortir vers la fin des temps. Et il va apparaître au tout début comme un roi parmi les rois. Et il va par la suite prétendre être un prophète. Puis après, il va prétendre avoir des qualités de la divinité, c'est-à-dire d'avoir certains attributs divins, d'être Dieu. Et beaucoup de gens parmi les ignorants des êtres humains vont le suivre, hein, parmi les gens ordinaires. Les gens ignorants qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas étudié l'islam, et parmi les kuffars, même parmi certains, parmi les musulmans vont le suivre. Mais par contre, il y aura un groupe parmi les croyants et qui craignent Allah qui vont le réfuter et qui vont répondre à ces mensonges. Donc ça, c'est toujours à chaque époque. Lorsqu'il y a des gens qui viennent avec des mensonges, des contradictions, des bid'ah et tout, il y a toujours un groupe parmi les serviteurs d'Allah qui vont réfuter ces gens-là, qui vont venir avec des répliques, des réponses contre le mensonge. Par la suite, le chef, il dit qu'il va s'approcher de chaque pays. Il va prendre pays après pays, et forteresse après forteresse, et région après région, etc. Il n'y a pas un pays qui va être épargné du Dajjal, excepté la Mecque et Médine, parce que il ne pourra pas entrer à la Mecque et à Médine. Mais tous les autres pays, il va pouvoir entrer. Et par la suite, le Cheikh dit: وَمُدَّةُ مَقَامِهِ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعُونَ عَامًا يَوْمٌ كَسَنَةٌ وَيَوْمٌ كَشَهْرٌ وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٌ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِ النَّاسِ هَذِهِ وَمُعْدَلُ ذَلِكَ سَنَةٌ وَشَهْرَانِ وَنِصْفٌ. Donc le Cheikh dit que le Dajjal, la durée de temps qu'il va rester sur terre, c'est 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme un vendredi, et le reste des jours sont comme les jours des ordinaires, les jours ordinaires des hommes. Et le total de ça, ça donne une durée de 1 an, 2 mois et demi. 1 an et 2 mois et demi, si on calcule tout ça. Ça fait un total de 1 an et 2 mois et demi. Le chef dit, وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ خَوَارِقَ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ وَيُثْبِتُ مَعَهَا الْمُؤْمِنُونَ فَيَزْدَادُونَ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَهُدًى إِلَى هُدَاهُمْ. Donc le chef il dit que Allah SWT il va lui faire apparaître toutes sortes de miracles dans ses mains, toutes sortes de prodiges qu'il va faire pour égarer les gens. Mais les gens parmi les gens qui vont être égarés, c'est uniquement les gens qui n'ont pas de foi, ou bien pas de connaissance au point qu'ils se laissent égarer. Par contre, les vrais croyants vont être fermes et puis leur foi va augmenter et leur guidance va augmenter également. وَيَكُونُ نُزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَسِيحَ الْهُدَى فِي أَيَّامِ مَسِيحِ الضَّلَالَةِ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ وَيَلْتَفَتُ مَعَهُ أَوْ يَلْتَفِتُ مَعَهُ عِبَادُ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ فيصير بهم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام قاصدا نحو الدجال وقد توجه نحو بيت المقدس فينهزم منه الدجال فيلحقه عند باب مدينة لد فيقتله بحربته وهو داخل إليها ويقول له إن لي فيك ضربة لن تفوتني وإذا واجهه الدجال ينداع كما ينحل الملح في الماء ينداع Le chef dit que Isa ibn Maryam, alayhi salam, c'est le messie de la guidance. Il va apparaître durant les postes de Isa. Isa va apparaître durant le temps, en même temps que le Messie al-Dajjal va être là. Et les croyants vont se mettre autour de lui, c'est-à-dire vont se rassembler autour de Isa, c'est-à-dire autour de Jésus. Et, c'est-à-dire les croyants vont se rassembler autour de lui et ils vont partir pour aller affronter Isa ibn Maryam. Ils vont partir avec Isa pour aller affronter le Dajjal, alors que le Dajjal se dirige vers Beit al-Maqdis en Palestine. Le Dajjal se dirige vers la Palestine. Donc, Jésus avec les croyants vont partir pour aller le combattre. Et le Dajjal va être pris au piège par les croyants. Donc le Dajjal va être pris par les croyants, il va être forcé de se réfugier vers Madinat Lod, vers la porte de la ville qui s'appelle Lod. Et là, c'est à cet endroit-là que Jésus va le tuer d'un coup de lance. Et il va dire au Dajjal, moi j'ai un coup à te donner et je ne peux pas te manquer de ce coup. Hein? Oui. Donc là, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que Isa, il va dire au Dajjal, je vais te donner un coup, je vais pas te manquer, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, il va arriver face à face avec le Dajjal, et puis il va le tuer avec sa lance. Et puis, le Dajjal, une fois qu'il va recevoir le coup, il va fondre comme le sel dans l'eau. Il va se mettre à fondre comme du sel quand on le met dans l'eau. Et puis, le chef il dit, « فَيَتَدَرَكُهُ فَيَقْتُلُهُ بِالْحَرْبَةِ الْحَرِيبَةِ بِبَابِ لُدْ فَتَكُونُ وَفَاتُهُ هُنَاكَ لَعَنَهُ اللَّهُ كَمَا دَلَتْ عَلَى ذَلِكَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ min ghayri wajh, intaha kalam Ibn Kathir. Donc c'est à cet endroit-là, à la porte de l'Oud, qu'il va mourir, qu'Allah le maudit. Et c'est comme ça que les hadiths l'ont décrit, il y en a de plusieurs façons, de différentes, différentes façons. Et ça, c'est la fin de la citation de Ibn Kathir dans le résumé de l'histoire de Dajjal, comme ça a été rapporté dans les hadiths authentiques. Et c'est un résumé très très utile, comme le chef l'a dit. Après, il dit, والذي تدل عليه النصوص من أمر الدجال أيضا وفتنته أن من استجاب له يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع لهم مواشيهم ثمالا ذات لبن ومن لا يستجيب له يرد عليه يرد عليه أمره فتصيبه السنة والجبل والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات وأنه تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل وأنه يقتل شابا ثم يحيي. نعم. Donc ça c'est une explication aussi de la fitna du Dajjal, qu'est-ce qui va amener de perte pour les humains. Et ça c'est un grand test. C'est que, il dit que les textes du Coran et de la Sunna, ou les textes de la Sunna en particulier, surtout dans ce cas-là, prouvent que le Dajjal amène avec lui une grande fitna. La fitna du Dajjal, comment elle est grave sa fitna. En fait, il y a des hadiths qui expliquent dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que le Dajjal, il a un paradis et il a un enfer avec lui. Il a un enfer et un paradis avec lui. Et il a dit, son paradis c'est un enfer et son enfer c'est un paradis. Donc, son feu est un eau et son eau est un feu. Donc s'il s'offre l'eau sans le feu, s'il s'offre son paradis sans son enfer, parce que, sérieusement, c'est le contraire. Tout ce qu'il amène de bon, c'est mauvais, c'est le mal. Hein? C'est pour ça que Allah lui permet de faire certaines choses vraiment étonnantes, comme par exemple, quand il arrive quelque part, il décide de faire pleuvoir le ciel s'il veut, et de faire pousser les légumes, les fruits ou les arbres, et de les faire fleurir. Et donc, ceux qui acceptent son appel, eh bien, il leur fait pousser les plantes et les fruits et tout, et il leur fait tomber la pluie, et il fait nourrir leurs animaux et tout ça. Donc, leurs animaux sont bien remplis de viande, puis beaucoup de lait et tout ça, donc ils ont beaucoup de richesse. Ok? Et ceux qui refusent d'accepter son appel, eh bien, ils sont pris par des sécheresses, par des famines, et la mort de leurs animaux, de leurs troupeaux et tout ça, et une perte de leur argent, hein, un déficit économique, je vais utiliser les termes, modernes, leur économie tombe à zéro, qu'on appelle la récession, là. Ça c'est ça qui arrive. Et oui, les croyants qui vont refuser, c'est ça qui va leur arriver. Vous imaginez la situation de ces gens. Des gens d'aujourd'hui, là, qui, une fois, il y a un journaliste allemand qui est allé voir Cheikh Moukbel au Yémen. Et le journaliste allemand lui demande, quand est-ce que vous pensez que vous allez faire le djihad et je sais pas quoi. Il a dit, quand est-ce qu'on va être prêt pour faire le djihad? Il a dit, c'est quand les Américains vont nous bloquer le truc, et puis que les musulmans vont rester, ils ne vont pas commencer à crier, oh, je vais le dis, je le dis pas bien, peut-être. Non, parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que, quand les musulmans ont une disette ou un problème ou un embargo, les soufards, on va dire, ils vont faire un embargo aux musulmans, ils vont dire, bon, on vous donne plus de rien, les musulmans ils se retournent en révolte contre le gouvernement. Ouais. Donc c'est comme une manipulation, une sorte de moyen qu'ils utilisent. Le jour qu'ils vont arrêter de se révolter contre les dirigeants, qu'ils vont rester avec leurs dirigeants, même si on leur donne pas tout ce qu'ils ont besoin, mais qu'ils sont patients, qu'ils en durent, et qu'ils sont comprennent la raison de ça, et qu'ils suivent le Coran et la Sunna, alors c'est à ce moment-là qu'ils seront prêts à aller. C'est juste comme un exemple qu'il a donné. Mais là, on voit que le Dajjal, il va arriver, il va dire aux gens, écoutez, si vous m'acceptez, là, si vous me suivez, je vous donne tout. Le ciel va pleuvoir, les animaux vont être nourris, tout ça, vous allez avoir la richesse et tout. Mais si vous m'acceptez pas, ben là, voici, c'est ce qui va vous arriver. Là, les gens, ils entendent des rumeurs qui arrivent de loin, là. Ah, celui-là, s'il arrive, là, acceptez, vous allez être bien, vous allez avoir tout. Les gens de cette fois-là, ils vont dire, ah, c'est vrai, ça vaut pas la peine de vivre dans la pauvreté, tout ça, là. Parce que ça, c'est une grande nature des hommes. J'ai entendu, j'ai lu ça dans un autre hadith, dans un autre livre, qui est le livre de Omar al-Afqar, il y a deux livres qu'il a fait sur les signes du jugement dernier. Un sur les grands signes et un sur les petits signes. Il est beaucoup plus détaillé que celui-là. Celui-là, c'est juste, le chef, il veut juste donner une aperçu globale du sujet. C'est pour ça qu'il n'en parle pas en détail. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres détails. Moi-même, j'étais surpris de voir que le chef, il ne rentre pas dans beaucoup de détails, mais c'est parce que je pense qu'il veut juste qu'on ait une idée globale de qu'est-ce que c'est le Dajjal, qu'est-ce que c'est les signes. Parce que le sujet, le livre, c'est un sujet général. Il y a une fois expliqué l'aqida d'Ahl Sunna wal Jama'a. En fait, il ne rentre pas dans les détails complètement. Donc là, on était rendu à quel point? On était rendu au point où le chef a mentionné qu'il y a un jeune qui va venir et il va le tuer et puis il va le faire revivre. Et c'est ça l'exemple que Hassan a mentionné tout à l'heure. Il y a un jeune qui. Ouais. Il y a un jeune qui va venir et qui va commencer, il va aller directement là où le Dajjal est et où les gens qui le suivent sont rassemblés. Et là, il va commencer à dire, c'est lui le Dajjal, c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a averti contre lui et tout, n'écoutez pas, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas croire que c'est lui le Dajjal, il y a des gens qui vont penser que ce qu'il dit c'est vrai et que c'est une personne correcte. Hein, parce qu'il va essayer de montrer la vérité comme étant un mensonge, puis le mensonge comme étant la vérité. Donc, ça va pas être clair pour tout le monde. Il y en a des gens qui ont pas peu de foi ou peu de connaissances, qui vont être trompés par cet homme-là. Et donc, le jeune, lui, il va aller pour essayer de le démasquer, pour essayer d'averser les gens. Alors, il va arriver devant le Dajjal, et devant les gens, il va dire, wa alaykum salam, Allah. Il va dire, c'est lui, le Dajjal, c'est lui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis. Donc, le Dajjal va, les gens vont le prendre, ce jeune-là, ils vont l'amener devant le Dajjal. Et là, le jeune va lui dire, c'est toi l'ennemi d'Allah, et tout ça. Et le Dajjal va dire, quoi, crois en moi, accepte mon appel, et tout ça. Et le jeune va dire, il va refuser. Alors le Dajjal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce jeune-là, il va le tuer en lui avec une scie, et puis il va séparer les deux morceaux de son corps, et puis il va marcher entre les deux. Et puis après il va dire, lève-toi. Et puis là il va se recoller, il va se relever. Donc tous les gens qui sont là, ils vont être comme étonnés, comment il a réussi à faire ça. Donc les gens qui étaient égarés vont être encore plus égarés. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre, le Dajjal va le prendre, puis il va le lancer, puis ils vont le jeter dans le feu, puis il va mourir. Oui, exactement, oui, c'est ça. Exactement, là. Exactement, parce que là, il y aura sûrement que sûrement que c'est un jeune qui a entendu le hadith, il avait entendu le hadith qui parlait de ce jeune-là qui allait affronter le Dajjal. Et quand il va le couper en deux, puis il va le séparer, puis il va dire, maintenant je sais que c'est suscite que c'est vraiment toi le Dajjal. Voilà, ça va être encore plus clair pour lui. Oh là là, parce que là on entend ça comme un hadith, mais quand ça va être une réalité là, là on va voir les faits, on va dire, oh là là, c'est incroyable. Moi ça va être le mot du matin, nous. On ne sait pas. Comme les deux, ouais. Nous on est dans la fin. Exactement, nous on est dans la fin déjà là. Et puis il va vivre 40 jours, un jour comme un an, un jour comme un mois, un jour comme un vendredi, et puis le reste des jours comme les jours ordinaires. Donc ça veut dire 40 jours, mais ça équivaut à comme 120 jours, 100, non, 100, un an et deux mois et demi. Donc ça veut dire 100 mois. Les temps, même le prophète Rasoul, il a dit que vers la fin des temps, le temps va sembler plus court. Hein? Ouais, les jours vont se raccourcir. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. Donc, on dirait qu'en 24 heures, on n'a même pas le temps de rien faire. Alors, c'est pour ça que je dis, on voit peut-être que c'est loin, puis on ne sait pas, peut-être que c'est proche. Donc il faut toujours rester à la rester alerte. Mais c'est un test, mon frère. Ça, c'est Allah qui l'a créé, le Dajjal. Et c'est Allah qui lui a donné ce pouvoir. Donc ça veut dire non. Et c'est ça que le chef il mentionne justement. Non. Donc, le chef est dit, وكل ذلك امتحان من الله به عباده يمتحن الله به عباده في اخر الزمان فيدل به كثيرا وهو مع هذا هين على الله ناقص ظاهر النقص والفجور والظلم وان كان معه ما معه من الخوارق مكتوب بين عينيه كافر وما يجريه على يديه محنة من الله لعباده وهي محنة خطيرة لا ينجو منها إلا أهل الإيمان واليقين. Donc exactement comme le Cheikh Hassan disait que tout ça c'est un test par lequel Allah teste les serviteurs vers la fin du temps, et il va égarer beaucoup de gens à cause de lui, à cause du Dajjal. Mais malgré ça, le Dajjal reste quand même une créature maîtrisée d'Allah Ta'ala, qui est inférieure et puis qui est perverse, une personne perverse et corrompue et injuste. Même si il a toutes sortes de trucs et de produits qu'il amène et des miracles qu'il a fait apparaître, ça veut rien dire. Et qu'est-ce qu'il a? Il a écrit, Allah lui a écrit entre les deux yeux le mot kafir. Et qu'est-ce qu'il va faire en fait? C'est tout ce qu'il va faire, c'est ça va être un test pour les croyants. Et c'est un test très dangereux. Et c'est seulement les gens de la foi et de la conviction qui vont réussir à s'en sauver. والشيخ يقول ولخطورة محنته وشدة فتنته شدة فتنه حذرت منه الأنبياء أممها وأشدهم تحذيرا لأمته محمد صلى الله عليه وسلم. Donc c'est à cause de son danger et la grandeur de sa fitna, tous les prophètes en ont averti leurs peuples et ceux dont celui qui a averti le plus sa nation à son sujet, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, وعن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه. Sauf qu'il a averti son peuple du Dajjal. Mais moi, c'est celui, moi je suis Ibn Sussaï. Il n'y a pas un peuple après Noé, excepté qu'il il n'y a pas un prophète après Noé, excepté qu'il a averti son peuple au sujet du Dajjal. Mais moi, je suis celui qui vous en avertit le plus. Hein, c'est ça que le prophète Rasul a dit. C'est rapporté par Ahmad, Abu Daoud et Al-Tirmidhi. الشيخ يقول وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستعاذة من فتنته في آخر كل صلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التهجد أو من التشهد الأخير أو الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الإمام أحمد ومسلم. Donc le cheikh il mentionne que le prophète صلى الله عليه وسلم a enseigné à sa umma de chercher le refuge à Allah سبحانه وتعالى contre quatre choses. Et ça c'est un hadith rapporté selon Abu Huraira. Rapporté par l'imam Ahmad et rapporté par l'imam Muslim aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que lorsque l'un de vous a terminé de faire le tashahhud, à la fin de la prière, qu'il cherche le refuge en Allah sallallahu alayhi wa sallam de quatre choses: du châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe, de la fitna de la vie et de la mort, et de la mauvaise épreuve du Messie al-Dajjal. Et le cheikh dit: وقد تواترت الأحاديث من وجوه متعددة في إثبات خروج الدجال وبيان فتنته والاستعاذة منه. وأجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان، وذكروا ذلك ضمن مباحث العقيدة. فمن أنكر خروجه فقد خالف ما دلت عليه الأحاديث المتواترة وخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. Donc le chef il dit que cette croyance en la sortie du Dajjal, ça fait partie des choses qui ont été rapportées par les hadiths de façon mutawatir, c'est-à-dire par un très très grand nombre de sahaba. Et donc, c'est des choses qui font partie des fondements de la croyance islamique. Et Ahl Sunnah al Jama'a sont tous d'accord pour affirmer la croyance en cette chose-là. C'est-à-dire que le Dajjal va sortir à la fin des temps. Et ça a été mentionné dans les textes ou dans les livres qui parlent de la Aqidah de Ahl Sunnah al Jama'a. C'est-à-dire les ulama d'Ahl Sunnah ont mentionné cet aspect-là de la croyance parmi les différents livres de Aqidah. Donc, c'est pour nous faire comprendre que celui qui refuse de croire en cet aspect de la croyance, en le Dajjal, eh bien, c'est comme s'il a contredit ce qu'a accepté ou cru les gens d'Ahl Sunnah al-Jama'a. Donc, il est sorti de la Sunnah. ولم ينكر خروجه إلا بعض المبتدعة كالخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وبعض الكتاب العصريين والمنتسبين إلى العلم، ولم يعتمدوا على حجة يدفعون بها النصوص المتواترة سوى عقولهم وأهوائهم، ومثل هؤلاء لا عبرة بهم ولا قبول ولا بقبولهم أو ولا بقولهم. Donc le chef dit il n'y a personne qui a rejeté cette croyance en la sortie du Dajjal excepté les gens de Bid'ah parmi les Khawarij et les Jahmiyyah, et certains aussi parmi les Mu'tazila, et certains parmi les auteurs contemporains, les auteurs, les écrivains contemporains qui sont contraints parfois pour comme étant des gens qui ont une connaissance de l'islam mais qui en réalité ne sont pas des savants. Les choses qu'ils ont utilisées comme pour essayer de supporter leur rejet de ces choses-là, leurs arguments, sont pas des arguments qui sont solides pour refuser ou rejeter ces textes du Coran et de la Sunna qui sont mentionnés en grand nombre. Excepté des arguments soi-disant rationnels, c'est-à-dire de se baser sur leur raison ou sur leur passion. Donc, des gens de ce genre, de cette catégorie-là, eh bien, on doit même pas s'arrêter à leur opinion ou à leur, au fait qu'ils ont contredit le reste des musulmans. On considère même pas ça comme étant une divergence entre les musulmans, puisqu'ils ne sont pas parmi les gens de savoir. Et le chef dit par la suite, « والواجب على المسلم الإيمان بما صح عن الله ورسوله واعتقاد ما يدل عليه وأن لا يكون من الذين قال الله تعالى فيهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بل ولما يأتهم تأويله لأن مقتضى الإيمان بالله ورسوله هو التسليم لما جاء عنهما والإيمان به ومن لم يفعل فإنه متبع لهواه بغير هدى من الله. Donc le chef dit que l'obligation pour le musulman c'est de croire en tout ce qui est authentique de ce qui vient d'Allah et de son prophète et de croire en ce que ces textes-là ont appelé à croire et de ne pas être parmi ceux qu'Allah a décrit comme en disant certes ils ont nié ou ils ont rejeté ce que leur connaissance n'avait pas enveloppé, c'est-à-dire ce qu'ils n'avaient pas encore, ils ont nié ce qu'ils ne savaient pas et des choses qui ne se sont pas encore produites, ils les ont reniées à cause de leur manque de connaissance. Donc il ne faut pas faire partie de ces gens-là qui rejettent quelque chose parce qu'ils n'ont pas la connaissance de cette chose. C'est pas parce que on n'a pas encore vu le Dajjal et on n'a pas encore vu ces événements-là qui vont se produire qu'on doit les nier et qu'on doit douter à ces choses-là, mais en fait au contraire on doit croire en ça et savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous informe que des choses véridiques. D'accord? Donc ça c'est un des signes de la prophétie. Et chaque fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'une chose qui va arriver dans l'avenir, il y a toujours, cette chose-là arrive, il y en a beaucoup qui sont déjà arrivés, et on a toujours considéré ça comme étant le signe de la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on voit que ce qu'il a averti et ce qu'il a prédit arrive réellement. Donc le chef il dit que ça c'est ce qui implique la foi en Allah et en son messager. C'est-à-dire de se soumettre à tout ce qui vient d'Allah et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et d'y croire. Et celui qui ne fait pas ça, c'est-à-dire celui qui ne se soumet pas à ça, alors c'est parce qu'il suit sa passion sans aucune guidance qui vient dans l'occidental. Donc le chef il termine par un dua en disant « Nasallallahu al-afiyah wa salama min al-shakki wa al-shirki wa al-kufri wa al-nifaq wa su'il akhlaq wa an la yazir qulubana ba'da izhadana wa alhamdulillahi rabbil alamin. » Donc le chef il dit « On demande à l'occidental son pardon et de nous épargner de tous les doutes et de toutes les formes de shirk et de kufr et d'hypocrisie et de mauvais comportements et on lui demande de ne pas dévier nos cœurs après qu'il nous ait guidés. Et toute la louange est au Seigneur de l'univers. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc ça c'est la fin du point au sujet de Al-Masih al-Dajjal. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, dimanche prochain, on va parler de, on va parler de la descente de Isa ibn Maryam. Alayhi salam.